إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, on continue donc ce soir la lecture de cette épître de l'imam Abu Bakr al-Humaydi rahimahullah ta'ala intitulée Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunnah. Il dit rahimahullah ta'ala وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ والقرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع لم نسمع أحدا يقول هذا. Il dit rahimahullah, le Coran est la parole d'Allah. J'ai entendu Sofiane dire, le Coran est la parole d'Allah. Quiconque dit qu'il est créé est un innovateur. Nous n'avons entendu personne dire ceci. L'imam al-Humaydi rahimahullah ta'ala, il nous expose ici un autre principe parmi les principes fondamentaux sur lesquels repose la sunna, c'est-à-dire, comme on a dit auparavant, la croyance sunnite authentique, la croyance des gens de la sunna et du groupe. Donc quiconque s'oppose à ce principe, il s'oppose alors à la croyance sunnite authentique et il s'oppose à la voix des gens de la sunna et du groupe. Donc l'imam al-Humaydi rahimahullah ta'ala, ici il a exposé ce point et il a en même temps réfuté la parole fausse et innovée qui est de dire que le Coran est créé. Et pour démontrer la fausseté de cette parole, il a cité ce qu'il a rapporté de son cheikh, l'imam Sofyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala, qui a dit « Le Coran est la parole d'Allah. Quiconque dit qu'il est créé est un innovateur. Nous n'avons entendu personne dire ceci. » C'est-à-dire, nous n'avons entendu personne dire ceci parmi les meilleurs des gens. Cette parole, elle n'était pas connue et elle n'a pas été prononcée par les meilleurs des hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ni par les tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Donc cette parole, c'est une parole fausse et une parole innovée qui n'a été prononcée par aucun des imams des premières générations, et il n'y a aucun doute que s'écarter de leur voix est une cause d'égarement, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc comme d'habitude, on va voir quelques questions, incha'Allah ta'ala, liées à ce fondement. Premièrement, la croyance des gens de la sunna et du groupe concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que la parole est un de ses attributs. Ce n'est donc pas une créature. Et le Coran, il fait partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc un des attributs d'Allah. Ses mots et ses sens, ils proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril alayhi salam l'a écouté d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis il l'a transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Darimi rahimahullah ta'ala, il rapporte dans son livre « La réfutation des Jahmiyyah » que Amr ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, a dit « J'ai rencontré les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce, après eux, depuis 70 années. Ils disent tous, Allah est le créateur, et tout en dehors de lui est créé, et le Coran est la parole d'Allah. Elle provient de lui et revient à lui. » Donc on voit que ceci était la croyance des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ainsi que des imams de la guidée venus après eux, rahimahumullahu ta'ala. Il y a donc unanimité sur cette question. Et les preuves du Coran et de la sunna, elles sont très nombreuses à ce sujet. À titre d'exemple, on peut mentionner la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 75 de Surat al-Baqarah, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala « وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَ. » Un groupe d'entre eux entendait la parole d'Allah. La parole d'Allah. Puis il l'a falsifiée. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 6 de sourate At-Tawbah, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Et si un polythéiste te demande asile, alors accorde-lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Et il dit subhanahu wa ta'ala au verset 15 de sourate Al-Fath, يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ. Ils voudraient changer la parole d'Allah. Et il y a de nombreux versets dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala allant de ce sens. Et également, on trouve des preuves à ce sujet dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On trouve par exemple, dans les deux recueils authentiques, d'Al-Bukhari et Muslim rahimahum allahu ta'ala, d'après Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au sujet des signes accordés au prophète alayhimu salatu wa sallam, et ce qui m'a été accordé est une révélation qu'Allah m'a inspirée. Et dans un autre hadith, rapporté par Abu Dawud et At-Tirmidhi, rahimahum allahu ta'ala, d'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, des Quraysh m'ont certes empêché de transmettre la parole de mon Seigneur. De transmettre la parole de qui? La parole de mon Seigneur. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le meilleur des hommes, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme guide pour l'humanité sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit de manière claire et explicite que la parole qu'il transmet, c'est la parole de qui? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela est dit explicitement également dans les versets que l'on a cités. Donc une fois que tu sais cela, que tu as connaissance de ces versets, de ces hadiths, de ces paroles des anciens parmi les savants, il n'y a plus aucun doute quant à la fausseté de toute parole contredisant ce qui est venu dans le Coran et de la Sunna et ce sur quoi furent unanimes les pieux prédécesseurs, rahimahum Allahu ta'ala. Deuxièmement, il faut savoir que ceux qui se sont opposés à ce fondement, ils sont nombreux, ils ont divergé en différentes paroles. Et la pire parole et la plus grave d'entre elles est celle des Jahmiya, qui ont dit que le Coran est créé. Et ces différentes paroles, elles proviennent des troubles et des perturbations causées par les gens de l'innovation et des passions, ainsi que de l'absence d'attachement à la voix des salafs, la voix des pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala. Car celui qui s'accroche au Coran et à la Sunna, et qui suit la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, alors sans aucun doute, il sera épargné de ses fausses croyances. Il sera épargné de ses croyances fausses et innovées. Donc il est important pour nous et pour l'ensemble des musulmans de s'accrocher fermement aux sources pures de la religion. Le Coran, la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté, rahimahum Allah ta'ala. Et tu dois t'écarter de tout ce qui s'oppose à cela et prendre garde à ne pas tendre l'oreille aux gens de l'innovation et des passions. Car nos cœurs, ils sont faibles, mais les ambiguïtés, elles sont captivantes et elles sont attirantes. Donc tu dois faire attention et tu dois bien faire le tri des sources desquelles tu apprends ta religion. Surtout aujourd'hui, avec l'apparition des réseaux sociaux. Tout le monde parle de religion. Tout le monde ouvre un compte sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube ou autre. Il commence à parler de religion. Chacun propage tout ce qu'il reçoit sans même distinguer le vrai du faux et le bon du mauvais. Donc tu dois prendre garde à ces réseaux et t'éloigner de toute ambiguïté et ne prendre ta religion que des sources sûres qui se basent sur le Coran et la Sunna et la compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté rahimahumullah ta'ala. Et ce afin de préserver ta religion et préserver ta croyance de toute idéologie fausse et innovée, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur la vérité et de nous éloigner des innovations et de l'égarement. Troisièmement, d'où provient cette croyance erronée? Le fait de dire que le Coran est créé. Le premier à avoir renié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Ja'd ibn Dirham, qui a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris Ibrahim comme Khalil et qu'il n'a pas parlé à Moussa alayhim as-salam. Alors cet homme, Al-Ja'd, il a été exécuté par Khalid ibn Abdullah Al-Qasri, rahimahullah ta'ala, qui était gouverneur de l'Irak sous le règne de Hisham ibn Abd al-Malik. Donc Khalid ibn Abdullah, il est sorti au Musalla le jour de la fête du sacrifice, puis il a sermonné les gens et il a dit « Oh vous les gens, sacrifiez, qu'Allah accepte vos sacrifices. Quant à moi, je vais sacrifier Al-Ja'd ibn Dirham, car il prétend qu'Allah n'a pas pris Ibrahim comme Khalil et n'a pas parlé à Moussa. » Ensuite, il a exécuté Al-Ja'd et ceci était lors de la fête du sacrifice de l'an 119 de l'Hégire. On voit donc à travers ce récit la gravité de cette parole et comment ce gouverneur a rétribué l'auteur de cette parole afin de dissuader toute personne d'adopter cette croyance corrompue. Malgré cela, un homme appelé Jahm ibn Safwan, il avait pris cette croyance d'Al-Ja'd et il l'a propagée après lui. C'est pour cela que cette voie déviante, Al-Jahmiya, elle lui a été attribuée et que l'on les appelle ainsi. Al-Jahmiya, en référence à Jahm ibn Safwan. Et certains pourraient dire, pourquoi parler de cela alors que ceci s'est produit il y a plus de 1000 ans et que les gens aujourd'hui, ils sont sur l'islam, ils ont été épargnés de cela. La réponse est que cette croyance corrompue, elle est malheureusement encore présente aujourd'hui. Elle est présente dans les livres et les écrits de certains parmi les gens de l'innovation et de l'égarement. Il y a encore aujourd'hui des gens qui soutiennent, qui propagent et qui ont cette croyance fausse et erronée. Wallah al-musta'an. Et à titre d'exemple, on peut mentionner une des têtes de l'innovation du siècle dernier, une des références du groupe sectaire et égaré des frères musulmans, qui est Sayyid Qutb. Il a dit dans son tafsir de Surat Taha, « فالقرآن ظاهرة قونية كالأرض والسماوات والعياذ بالله. » Il dit, « Le Coran est un phénomène créé comme la terre et les cieux. » Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver d'une telle parole et d'une telle croyance. Donc comme vous le voyez, cette croyance, elle est encore présente. C'est pour cela que les gens de la sunna, ils doivent multiplier leurs efforts pour propager la croyance authentique à ce sujet et continuer d'enseigner ces livres dans lesquels on apprend que le Coran est la parole d'Allah et qu'il n'est pas créé, qu'il provient de lui et qu'il revient à lui. Subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, quel est le jugement de cette parole? Le fait de dire que le Coran est créé. L'imam Abdurrahman ibn Abi Hatim, rahimahum Allah ta'ala, il rapporte de son père, ainsi que de l'imam Abu Zur'a, rahimahullah ta'ala, dans le livre La croyance des deux razis, qu'ils ont tous les deux dit, quiconque prétend que le Coran est créé, alors il a mécru en Allah l'immense, d'une mécréance qui fait sortir de la religion, c'est-à-dire d'une mécréance majeure. Et quiconque doute de sa mécréance parmi ceux qui comprennent, il est lui-même un mécréant. Donc ceci est la parole des deux imams, Abu Hatim et Abu Zur'a al-Raziyayn. Et ils ont rapporté cela de savants de toute contrée qu'ils ont rencontrés à leur époque. Ceci est donc le jugement de cette parole. Cependant, il faut faire attention et ne pas s'empresser dans le takfir. Car comme on l'a vu lors de notre étude des annulatifs de l'islam, pour ceux qui ont suivi avec nous les cours, le takfir, il a des conditions et des empêchements. C'est pour cela qu'il convient pour nous de revenir aux savants à ce sujet. Et eux-mêmes, les savants, malgré qu'ils soutiennent la mécréance de celui qui prononce cette parole, ils ne font pas forcément le takfir de tous ceux qui la prononcent, comme c'est le cas de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, avec certains gouverneurs de son époque. Il y avait à son époque certains gouverneurs qui soutenaient cette croyance. Ils éprouvaient même les gens sur cette croyance et ils châtiaient ceux qui refusaient d'adopter cette croyance, comme ce fut le cas pour l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qui fut grandement éprouvé car il refusait de dire cette parole. Le Coran est créé Mais ils persistaient à soutenir la parole de vérité, la croyance puisée du Coran et de la Sunna, qui est que le Coran est la parole d'Allah et qu'il est incréé. Ce n'est pas une créature. C'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il a été châtié pour cela. Il a été torturé pour cela. Mais il est resté ferme rahimahullah ta'ala. Il a soutenu la vérité et Allah subhanahu wa ta'ala a préservé cette croyance par l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Donc il faut bien faire la distinction entre le takfir al-mutlaq, de manière absolue, c'est-à-dire de manière absolue, nous disons que quiconque prononce cette parole, alors c'est un mécréant. Quant au takfir d'un individu précis, alors il y a pour ceci des conditions et des empêchements, et on revient à notre niveau pour cela, aux gens de science. Ensuite, l'imam al-Humaydi, rahimahullah ta'ala, il a mentionné une autre parole de son cheikh, l'imam Sofyan ibn Uyayna. Il a dit, rahimahullah, وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقل ينقص فغضب وقال أسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء. Il dit رحمه الله j'ai entendu Sofiane dire la foi est parole et acte. Elle augmente et diminue. Son frère Ibrahim, Ibn Uyayna, lui a alors dit « Ô Abba Muhammad » donc c'est la kunya de Sofyan Ibn Uyayna « Ô Abba Muhammad, ne dis pas qu'elle diminue. » Il s'est alors énervé, c'est-à-dire Sofyan. Il s'est énervé et lui a dit « Tais-toi, ô petit. Je dis même qu'elle diminue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. » Donc on a déjà vu, lors de la deuxième assise, sur l'étude de cette épître, ce qui est lié à la foi. Et que la foi est parole et acte, qu'elle augmente et qu'elle diminue. Et ceci est la croyance des gens de la Sunna et du groupe. Cependant, concernant cette parole de Sofyan rahimahullah ta'ala, qui dit ici, elle diminue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Il faut savoir que ceci s'oppose à ce qu'ont soutenu les gens de la sunna au sujet de la foi. En effet, on trouve dans les paroles des imams que la foi, elle augmente et elle diminue. Mais ils n'ont pas dit elle diminue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Parce que s'il n'en reste plus rien, qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire que la personne a apostasié. Cela veut dire que la personne est devenue mécréante. Elle n'a plus la foi. Elle est sortie de l'islam. Donc comment comprendre la parole de Sofiane ici, rahimahullah ta'ala? Le cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahullah ta'ala, il a donné deux explications à cette parole. Il dit premièrement, il se peut qu'il ait dit cela afin de mettre en garde sévèrement contre les péchés qui font diminuer la foi. C'est-à-dire qu'il a voulu prévenir contre le mal des péchés. Car les péchés, ils font diminuer la foi. Donc il a voulu mettre en garde contre cela afin que les gens préservent leur foi et s'écartent des péchés. La deuxième explication possible est qu'il a voulu mettre en garde contre les choses faisant sortir de l'islam, contre les actes d'apostasie, ou les paroles, les doutes, ou les croyances faisant sortir de l'islam. Il a donc voulu mettre en garde contre l'apostasie, car celui qui apostasie, il ne reste plus rien de sa foi. Et parmi les choses qui font sortir de l'islam, il y a cette croyance au sujet du Coran. Le fait d'affirmer que le Coran est créé. Ceci est une parole de mécréance, comme on l'a dit. Et celui qui prononce cette parole, alors sa foi, elle disparaît, il n'en reste plus rien, car il est sorti de l'islam, et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver. Ceci était donc quelques questions liées à ces paroles de l'imam al-Humaydi, rahimahullah ta'ala. Et on verra dans l'assise de la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, ce qui est lié à la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala après la mort, ainsi que ses attributs. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre.